Chapitre 10e. Martine, chérie, il fait très beau, c'est délicieux ici. On a été prendre des bains au Lido et on a refait une promenade sur le yacht. La femme de Buendelmonte, la dompteuse, est morte, et il vient d'épouser une Américaine très riche. Beachy et Bun sont dans la joie. Ils s'imaginent qu'à présent ils vont avoir des tas de cadeaux comme ceux que Zinni a reçus de sa mère, et comme celui qui était pour moi et que Blanca s'est fait donner. Mais j'aime le vôtre 100 fois mieux, chère Martine, parce que c'est vous, et aussi parce qu'il est bien plus original. Ce qui m'ennuie, c'est que Buendelmonte, maintenant qu'il est riche, il va vouloir reprendre son fils, et Beachy mourra de chagrin si son frère la quitte. Alors je lui ai fait rejurer, vous savez, sur le livre à Scopie, qu'il ne partira pas, quoi qu'il arrive. Papa et maman se sont disputés, parce que maman a voulu inviter Zinnia et Lord Range sur le yacht. Papa dit qu'il ne voulait pas, que ce serait scandaleux, et maman a répliqué qu'elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Elle veut faire la connaissance du duc de Mandip qui est avec les Range, et Zinnia invite Gérald tous les jours, et Joyce est furieuse. Vous allez me dire que je ferais mieux de ne pas vous en parler, mais que voulez-vous, chère Martine, si mes parents se mettent à se disputer à propos de Gérald, le plus clair c'est que Terry perdra son précepteur, et ce serait bien malheureux. Aussi je veux m'en aller avec tous les petits aussitôt qu'il y aura moyen. Terry m'a fait promettre de lui montrer cette lettre, rapport à l'orthographe, mais je n'en ferai rien. Il m'empêcherait de vous l'envoyer. Je vous en supplie, chère Martine, écrivez à papa de nous faire partir le plus tôt possible. Voilà Terry qui a encore de la température, enfin, toutes les misères à la fois. Comme je voudrais que vous soyez ici, vous sauriez vous faire écouter. Votre Judith, qui vous regrette beaucoup. P.S. Surtout, ne dites pas au Water que je vous ai écrit. La première pensée de Boyne, quand il eut achevé cette lettre, fut de se dire qu'il en causerait avec Madame Sellers, et que ce serait bien plus facile de la consulter après ce qui venait de se passer sur le balcon. Ce qui s'était passé, c'est que Rose venait de lui tomber dans les bras. Tranquille étreinte, geste muet, d'une force profonde et calme. Ni fièvre, ni résistance, mais un acquiescement complet, où tout ce qu'il y avait de profond de leurs âmes était monté ensemble à leurs lèvres dans un baiser. Hier encore, il aurait pu se demander comment Madame Sellers aurait envisagé l'affaire Water. Qu'avait-elle de commun avec tous ces gens-là? Maintenant, toutes ses pensées, tous ses projets, Rose devait y avoir sa part. Il relut lentement la lettre, en imaginant ce qu'en diraient les beaux yeux de Madame Sellers. L'orthographe seule avait de quoi la concerner. « Ce sera pour demain, » se dit-il. « Mais demain, on y était déjà. » Boyne repoussa ses volets et se pencha à la fenêtre. Le ciel pâlissait, l'air fraîchissait. Quelques étoiles dans l'aube grise achevaient de s'éteindre, tandis que devant lui, derrière le noir écran montagneux, la pâleur des espaces commençait à se remplir d'une fluide coulée d'or. « C'est l'image de mon bonheur, » se dit-il, « une aube incolore qui se change en un jour resplendissant. » Mais le spectacle de cette métamorphose suffisait à sa joie. Il s'étonna de n'être pas plus transporté. « Serait-ce, pensa-t-il, que je vieillis ?» Ce jour-là fut trop occupé. Il y eut trop de choses à envisager, trop de préparatifs à faire. Boyne n'oubliait pas la lettre. Il sentait là, présente dans un coin de son cerveau, la pensée de la jeune fille. Mais il ne trouvait pas le moyen de l'insérer dans le cadre de sa nouvelle existence. Il avait décidé de passer encore un mois dans les montagnes avec son ami, un mois de promenade, de sieste au soleil et de nuit en septembre. Et puis, Paris et le mariage dans les délais légaux. Cette perspective ne laissait pas d'inquiéter un peu Madame Sellers dans son instinct de femme ordonnée, dont la vie s'était écoulée dans un vide sans hâte et un désespoir sans impatience. En principe, lui dit-elle avec un sourire, je déteste autant que vous les ajournements et vous ne vous doutez pas que je ne sois pressée de commencer notre nouvelle vie. Mais pratiquement, cher ami, il y a des difficultés. Rien de sérieux, bien sûr, ajouta-t-elle en riant, et puis je suis d'âge à me conduire toute seule. Alors, il y a le monde qu'il ne faut pas oublier. Des gens qui pourraient s'étonner de trop de précipitation. La famille de mon mari, par exemple. Vous savez que je n'ai jamais été du dernier bien de ce côté-là. Mais c'est justement pour cela que je ne voudrais rien faire qui puisse servir de prétexte. Mais à quoi? Que sais-je? À jaser, à faire des insinuations désobligeantes? Non, vraiment. Je ne peux pas songer à me remarier avant l'année écoulée depuis la mort de mon mari, à moins de scandaliser toute ma belle famille. Or, il se trouve qu'ils se sont, dans ces derniers temps, comportés très convenablement avec moi, surtout pour l'exécution des clauses du testament, dont l'interprétation n'allait pas toute seule, comme me disait M. Daubry. Qui est M. Daubry ? Un homme qui était parfait pour moi dans toute cette affaire, un ami incomparable. Vous ne vous rappelez pas ? Lui dit-elle avec un ton de reproche, que je vous en ai parlé. Il se rappela en effet ce Daubry, notaire de New York, qui avait démêlé de son mieux, à l'avantage de sa cliente, la succession embrouillée du défunt, celui-ci ayant sournoisement machiné son testament comme une vengeance à retardement. Le nom de l'avocat revenait fréquemment dans les dernières lettres de Madame Sellers. Boyne revoyait dans son souvenir un monsieur timide et important, en costume gris foncé, toujours trop neuf et trop bien fait, un homme, en un mot, qu'on aurait appelé un homme comme tout le monde dans le New York de la jeunesse de Boyne, mais qui figurait maintenant comme un homme de la vieille école et qui en jouait le rôle et en prenait le costume très consciencieusement. Boyne avait cru deviner que M. Daubry était un peu amoureux de Mme Sellers et que celle-ci, sans répondre à ce sentiment, en était néanmoins flattée. Mais il ne s'arrêta à cette pensée que le temps de sourire à un rival éconduit et revint aussitôt à ses propres doléances. Vous n'allez tout de même pas me condamner à attendre encore un an. Un an, depuis la mort de mon mari, il y a 7 mois écoulés. Et puis il faut penser à mes tantes qui ont toujours été si bonnes pour moi. Je dois les ménager. Tante Julie, surtout, jetterait les hauts cris. Si je me remariais avant la fin du deuil officiel, et je tiens particulièrement à ne pas fâcher Tante Julie. Et pourquoi y tenez-vous si particulièrement ? Moi, je n'ai jamais vu en elle qu'une vieille dame particulièrement sotte. Raison de plus. Si vous trouvez que c'est une raison, alors adieu notre mariage. Dans une famille aussi nombreuse que la vôtre, il y aura toujours un imbécile à ménager. Merci pour ma famille, mais ce n'est pas ma seule raison. Elle rougit légèrement. Comprenez donc que je ne dois pas être l'unique héritière de Tante Julie. Je le sais par ce même M. Daubry qui est son notaire, et les médecins disent qu'il suffit d'une de ces attaques de gouttes. Ah! Vous m'en direz tant. » Il ne put dissimuler une certaine impression de gêne. Cette petite phrase lui fit l'effet d'une douche glacée. En bonne raison, elle aurait dû produire un effet tout contraire, puisqu'il savait que la fortune de Mme Sellers, en dépit des efforts de M. Daubry, se trouvait très réduite et que, pour lui, presque toutes ses économies de 20 ans avaient été englouties par de mauvais placements. La situation qu'il envisageait pour l'avenir, celle d'ingénieur conseil dans une grande entreprise, offrait beaucoup d'aléas. L'image d'une tante à attaque et à disposition testamentaire bienveillante n'aurait dû lui causer aucun déplaisir, mais l'idée de modifier sa conduite pour l'adapter aux caprices de parents riches n'était pas du tout dans son genre. Peut-être parce qu'il n'avait jamais eu de parents riches. Ce fut du ton d'un homme vexé qu'il reprit. « Si vous hésitez entre tante Julie et moi... » Elle l'interrompit, et relevant les sourcils avec cet air de raillerie douce qui lui plaisait tant quand cette moquerie ne s'adressait pas à lui. « Dans ce cas-là, cher ami, je suis presque sûr que vous seriez le préféré. Alors faisons nos mal et en route pour Paris. Comment faut-il que je m'explique ? Je ne peux pas me remarier avant la fin de mon deuil. Cela ne serait ni digne de moi ni de vous. » Des larmes lui venaient aux yeux. Il se tut. La conversation prenait le tour d'une querelle de ménage, si le mot pouvait s'appliquer à la souple manœuvre de Rose pour refuser le combat et en venir à ses fins. Boyne se sentait mal à l'aise. Et quoi ? C'était donc ça, le mariage, ce port dont il avait rêvé. Peut-être avait-il eu trop longtemps l'habitude de la vie vagabonde. Le pli était pris. La moindre contrainte le blessait. La nécessité de tenir compte des susceptibilités mondaines le mettait hors de lui. Il fit effort pour chasser cette impression. Il se rendait compte qu'il était absurde de reprocher à son ami de faire de son mieux pour améliorer leur situation. Et pour mettre un terme à la discussion, il lui prit la main et la porta à ses lèvres. « Vous savez bien que je voudrais toujours ce qui vous fera plaisir. » Il se repliait lâchement. Mais, puisqu'il avait renoncé à son indépendance, pourquoi en disputer les miettes et l'apparence ? Cependant, il lui semblait sentir sur lui le regard de Rose qui lisait dans son cœur. Il avait la sensation que la suavité de sourire de son ami était faite de la conscience de sa victoire. Décidément, le mariage nous rendrait méchants, pensa-t-il, et soudain il se crut marié, et que c'était depuis très longtemps. Leur première quinzaine s'était passée sans nuage, mais depuis que la vision du mariage était apparue à l'horizon, le nuage était là, pas bien gros, oh non, pareil à la nuée proverbiale dont parle l'Écriture. Rose redoubla de gentillesse pour se faire pardonner sa victoire, ce qui ne fit que la rendre plus sensible. « Je suis absurde, » se disait Boyne. « On ne distingue pas entre les qualités d'une femme comme entre les années différentes d'un même cru. Je suis là à me demander si la qualité de son amitié n'est pas supérieure à celle de son amour. Puisqu'il est impossible à l'amour d'être l'amitié, il n'est que d'en jouir et le prendre comme il est. » Il y avait plus de 8 jours que la lettre de Judith se trouvait dans la poche de Boyne, lorsque celui-ci la sortit toute chiffonnée et imprégnée d'une odeur de tabac. Il était étendu à son aise à côté de Rose sur le bord d'une haute falaise de granit, d'où les regards plongeaient par-dessus des abîmes de pins, de pâturages et de forêts, dans l'infini bleu de l'horizon. L'air vibrait de lumière, le parfum des herbes foulées montait comme un encens, le cœur des fiancés s'enivrait d'air pur et de soleil, dans le bien-être d'une longue grimpette, suivie d'une de ces dinettes comme il n'en peut sortir que d'un sac de montagne. « Et maintenant, une bonne pipe, » dit Boyne, dans une béatitude somnolente, en s'étendant sur l'herbe auprès de son ami. Il se mit à fouiller dans sa poche et en tira avec sa blague la lettre oubliée. « Diable, » s'écria-t-il, « pauvre petite, je n'y pensais plus. Voilà 8 jours que je voulais vous montrer ce papier. Pauvre petite qui ?» Il hésita une seconde. Si Rose n'allait pas comprendre. Mais déjà elle étendait la main. Il n'y avait plus à reculer. Elle se souleva sur le coude et se pencha sur le papier. Boyne la regardait faire, charmé par son fin profil et guettant les subtils mouvements de la ligne qui va de la gorge à l'oreille. « Comme elle est encore jolie, » pensait-il. Elle lisait avec attention, non sans froncer les sourcils, chaque fois. Et ce n'était pas rare qu'elle tombait sur une faute d'orthographe. Quand elle eut fini, « C'est de cette petite dont vous m'avez parlé ?» dit-elle en lui rendant la lettre. « Vous avez raison, pauvre petite. Mais qu'est-ce que ces Water dont elle parle dans le post-scriptum et qui ne doivent rien savoir ?»« Les Water, ce sont les parents. Et elle parle d'eux sur ce ton-là » Il donna sur cette manière de parler en famille les explications qu'il avait reçues lui-même de l'institutrice. « Je vois d'ici le genre d'institutrice qu'on peut rencontrer dans un monde où il y a de tels parents. Détrompez-vous. Celle-ci est suivant le moule classique. C'est un type de vieille puritaine. Passe pour sa morale, mais quelle orthographe elle enseigne à ses élèves. Et qu'est-ce que ces gens que Madame Water veut inviter sur son yacht parce qu'ils connaissent un duc, tandis que son mari trouve que ce serait scandaleux ?»« Lord et Lady Ranch, vous avez dû lire dans les journaux il y a 1 mois ou 2 « Le mariage de ce grand seigneur avec une étoile de cinéma, une nommée Zinnia Lacrosse. C'est possible, mais je trouve que pour des gens de ce monde-là, c'est le prendre de bien haut avec une étoile de cinéma. Qu'y aurait-il de si scandaleux à la recevoir ? C'est que cette créature a été la femme de Water. Vous dites ? Pas longtemps. Ils ont divorcé presque tout de suite. Et qui est ce monsieur Gérald que ces dames se disputent ? C'est le précepteur du petit. J'ignore ce que vaut ce monsieur, mais quant à l'élève, ce pauvre Terry, c'est le plus charmant enfant que vous puissiez voir. Malheureusement, il n'a pas de santé. C'est Water. Il n'était pas digne d'avoir des enfants. Jadis, dans leurs longs entretiens mélancoliques, Madame Sellers avait souvent laissé percer le chagrin de n'avoir pas d'enfants. Boyne retrouvait dans son indignation le cri de la femme stérile, révoltée par l'inconscience de parents qui ne savaient pas apprécier à sa valeur le bien qu'il lui était refusé. « Ils n'ont pas de cœur, » répéta-t-elle. « Mais si, ils aiment les enfants. Mais c'est autre chose d'aimer les enfants et de savoir s'occuper d'eux. Mon sentiment, c'est qu'ils y ont renoncé depuis longtemps. Ils voient que ce n'est pas leur affaire, et alors ils préfèrent s'en remettre à leur fille aînée. Quel âge a donc cette Judith ? Elle écrit comme un enfant de 10 ans. Elle est bien plus vieille que cela. J'imagine qu'elle peut avoir 15 années. Mais 6 enfants sur les bras. » Vous pensez s'il a eu le temps d'apprendre l'orthographe ? 15 ans. Rose soupira. Elle pourrait être ma fille. Après un silence, elle interrogea. Et maintenant, qu'allez-vous faire, cher ami ? Mais justement, j'ai compté sur vous pour me conseiller. » Ce mot, comme il l'avait prévu, réveilla chez Rosellars la femme d'action. Il s'applaudit de l'avoir consultée. Elle s'était montrée pleine de sympathie. Sans doute allait-elle se trouver de bons conseils. Pourquoi avoir tant attendu et s'être défié d'elle? D'abord, il faut écrire au père. Expliquez-lui que le climat de Venise ne vaut rien pour les enfants. Vous m'avez dit qu'il se tourmente de la santé de son fils. Écrire? À quoi cela servira-t-il? Clive s'écriera. Parbleu, Joyce, il a raison, ce vieux Boyne. Qu'est-ce que les enfants font ici? Expédions-les pour l'Engadine, pas plus tard que demain matin. Et puis il fourrera ma lettre dans sa poche et personne ne la reverra, excepté le valet de chambre qui brossera le veston. Mais la mère, comment l'appelez-vous, Joyce? Si son mari lui parle à elle. C'est justement le hic. Je ne comprends pas. Et si elle tenait aux enfants, à cause du précepteur? Ah ça, Martine, que me dites-vous là? Et vous prétendez que cette femme-là adore ses enfants? C'est pourtant la vérité. Seulement, ces gens-là vivent dans un tourbillon. L'existence pour eux, c'est un film qui se déroule. On ne peut pas se lever pendant la représentation ni changer le rythme du spectacle. Alors, qu'est-ce que vous y pouvez? C'est ce que je me demande. Peut-être faire un tour à Venise et en causant... Retourner à Venise? C'est un peu fort de vous demander de refaire le voyage. Et si vous êtes embarrassé d'écrire? Êtes-vous sûr de ne pas l'être encore davantage pour trouver quelque chose à dire? C'est toujours délicat de mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce. Mieux vaut une lettre. Si l'on vous voyait surgir brusquement, cela pourrait paraître un peu drôle. Il fut tenté de dire qu'il n'y avait rien de drôle pour les Waters, excepté ce que Mme Sellars pouvait regarder comme régulier. Mais il était là de cette discussion. « Je crois que vous avez raison, » dit-il. « Ce voyage à Venise serait absurde. J'écrirai. Du reste, la lettre de Judith date d'une semaine. Une semaine. Je parie que toute la famille est déjà disloquée et toute la marmaille je ne sais où dans les montagnes. » Et content de s'être trouvé cette excuse, il remit la lettre dans sa poche. L'air fraîchissait. Il se leva et les fiancés redescendirent la montagne aux bras l'un de l'autre.